Chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction. Jésus lui répondit : Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. Jésus s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent : Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment où toutes ces choses doivent arriver ? Alors Jésus se mit à leur dire : Faites attention, que personne ne vous trompe. Beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront : Je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre dans différentes régions, et il y aura des famines. Ce sera comme les premières douleurs de l'enfantement. Mais vous faites attention à vous-même, car des gens vous feront passer devant les tribunaux. On vous battra dans les synagogues. Vous devrez comparaître devant des dirigeants et des rois à cause de moi, pour apporter votre témoignage devant eux. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. Et lorsqu'on vous arrêtera pour vous conduire devant le tribunal, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais à ce moment-là, dites les paroles qui vous seront données, car elles ne viendront pas de vous, mais du Saint-Esprit. Des hommes livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Vous verrez celui qu'on appelle horreur et abomination placé là où il ne doit pas être. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour y prendre des affaires à emporter. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour prendre son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que ces choses n'arrivent pas pendant l'hiver. Car en ces jours-là, la souffrance sera plus grande que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé, jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si le Seigneur n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ses jours, personne ne pourrait survivre. Mais il en a diminué le nombre à cause des hommes qu'il a choisis pour être à lui. Si quelqu'un vous dit alors : Regardez, le Messie est ici. Ou « Regardez, il est là !» Ne le croyez pas, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils produiront des signes et des miracles pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais en ces jours-là, après ce temps de souffrance, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur les nuages avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges aux quatre côtés de la terre pour rassembler ceux que Dieu a choisis d'un bout du monde à l'autre. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare. Les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Pourtant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Faites attention, ne vous endormez pas, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'un homme part en voyage. Il quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail particulier à faire, et il ordonne aux gardiens de la porte de rester éveillés. Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés.